France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. C'est bien, n'est-ce pas, de commencer l'année à vélo? Hier, le premier épisode de votre histoire particulière en deux épisodes vous a permis de rencontrer Guillaume Martin, jeune prodige de 24 ans du cyclisme français, passionné de Nietzsche, qui écoute l'émission Les Chemins de la Philo, tout en pédalant. Cycliste professionnel depuis 2 ans, arrivé 23e lors de son premier Tour de France en 2017. Nous avons pédalé à toute vitesse sur les terres de son enfance. Aujourd'hui, nous reprenons l'entraînement avec nos coachs, France Joly et Thomas Beau, et nous partons rencontrer une autre figure du cyclisme français. Allez, on y retourne. Une, deux, on pédale et on se remue. Parce qu'aujourd'hui, en plus, c'est le jour de la galette. ...1979, championne de France sur route. 81, championne de France sur route. 82, championne de France sur route. 83, championne de France sur route. 84, championne de France sur route. 85, championne de France sur route. 86, championne du monde sur route. 86, championne de France. 87, championne du monde sur route. Tour de Colombie, Tour de la Drôme. 88, championne de France sur route. Tour de Colombie. 89, championne du monde sur route. 92, championne de France sur route. Chrono des Herbiers, vice-championne du monde contre la montre. 93, championne de France. 94, championne de France contre la montre. 95, championne du monde, championne du monde, championne de France sur route, championne de France contre la montre. Après, j'ai plus noté. La voilà. Le visage caché sous sa capuche, corps tonique, jambes plantées sur le bitume, au milieu de la route. J'imagine que vous les connaissez par cœur, ces routes-là. Ah oui, un peu trop. En vélo, un peu trop. Une vie à vélo, Jeannie Longo, une vie devant elle. Un documentaire de France Joly, réalisé par Thomas Beau. Ouais, on monte. Allez. À peine sommes-nous à sa hauteur qu'elle a déjà sauté dans la voiture, une rapidité de déplacement digne de la plus performante cycliste française. Il pleut dru, une pluie glacée. Impossible d'aller comme prévu marcher au grand air. Car avec Jeannie Longo, c'est le dehors, le paysage, la nature qui compte. Alors, de Saint-Martin-en-Vignoux, où elle habite, nous prenons la voiture direction Le Sapé, à quelques kilomètres de Grenoble. Cette route-là, vous l'avez fait combien de fois en vélo? Ça, je peux pas compter, je peux pas savoir, mais on pourrait presque dire une fois par jour. Une fois par jour? Non, je dis au moins, non, parce qu'en fait, des fois, c'est 2 fois, mais... Je me suis déjà entraînée en faisant des intervalles, c'est-à-dire plusieurs fois la montée. Donc ça fait comme un triangle, en fait, je redescends en face et je remonte par là. D'accord. Mais sinon, c'est tous nos départs de VTT, tous nos départs d'automne, on passe par là. Ou quand on va aller faire des cols en Chartreuse, on passe par là aussi. Col de Chartreuse, c'est col de Porte, col de Coq, col du Coq, Pucheron, Granon. On va vers Entremont, enfin c'est des jolis coins, ouais. La Chartreuse. Ici, donc si ça fait 40 ans que vous vivez là. Non, ça fait pas 40 ans. Non. Non, j'étais d'abord au centre de Grenoble, j'étais étudiante, donc j'avais un appartement. D'accord. Et vous étiez étudiante en quoi, en fait, à ce moment-là? Oui, j'ai commencé à faire des maths, donc j'ai fait un doc de maths appliqué aux sciences sociales. Donc en fait, c'était informatique et maths appliquées aux sciences sociales. Ouais. C'était très novateur parce que l'informatique en était au balbutiement. C'était en quelle année, ça? Fin des années 70, quoi. On avait des cartes perforées, on rentrait... Quand on faisait des programmes informatiques, on rentrait avec nos cartes perforées dans le cartable. Mais j'étais matheuse, donc j'ai fait un doc de maths aussi. Bon, après, je me suis aperçue au bout de 2 ans que c'était un peu trop... On planait un peu trop dans les statistiques et les maths. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de plus concret. Donc après, j'ai fait un IUT en gestion des entreprises. Parce que mon père était directeur d'une entreprise de travaux publics. Et je m'étais dit que ça serait chouette que si je pouvais travailler avec lui. Quoi. En plus, là aussi, c'était un peu novateur parce que... On ne se rend pas bien compte maintenant, mais dans les années 70, 80, une femme dans les travaux publics, ça aurait été assez, assez nouveau. Quoi. Et puis finalement, après, j'ai fait une maîtrise de gestion. Donc j'ai continué dans la gestion, ça m'a plutôt plu. Hein. Et puis j'ai fini par faire quelque chose qui ressemblait au sport, qui soit vraiment orienté sur le sport. Donc j'ai suivi un DESS en droit et économie du sport. À droite, pardon. C'est ça la boucle que vous faites alors? Vous repassez là sur la droite? Oui. Ouais. Puis après, quand on veut monter en VTT, ben on monte dans toute cette forêt, là, on monte jusqu'au sommet et on redescend sur la place fortifiée, la Bastille. On redescend côté Grenoble. On fait souvent du portage en montée. Qu'est-ce que c'est du portage? Eh bien, on porte le vélo sur le dos. Ah oui. Parce que, enfin, sur l'épaule, quoi. Ah oui. Parce que les chemins sont trop raides, caillouteux, et on ne peut pas passer à vélo. Et vous entraînez encore tous les jours? Disons que c'est plutôt de l'entretien, quoi. Ouais. C'est assez rare que je m'entraîne vraiment pour un objectif précis. Ça m'arrive, hein. Mais souvent, quotidiennement, c'est plutôt de l'entretien. Ouais. C'est de l'entretien physique pour maintenir un corps à peu près correct. Ouais. En état de marche, quoi. Ce sera à gauche. Ce qui frappe d'emblée, c'est la douceur qui se dégage d'elle. Un paradoxe quand on sait qu'on a pu l'appeler Terminator. On l'appelle aussi la vieille ou mamie quand elle courait avec des filles de 30 ans de moins qu'elle. Et pourtant, c'est une grande part d'enfance qui se dégage d'elle. Mais là, c'était un petit peu une partie, on pourrait dire, d'alpage, parce qu'avant, il y avait quand même des fermes. Hein, et il y avait donc du bétail, donc c'est une partie qui était un petit peu, quand même, vous voyez, avec des champs. Il y a encore du bétail, il y a encore quelques fermes, hein, donc ouais. Il y a encore des vaches qui paissent. Des moutons, j'en ai pas trop vu, mais il y a surtout des vaches. Et puis après, on arrive donc à la limite forêt, à droite. Route de la Frette. C'est dommage parce que là, on voit la dent de quai en Chartreuse qui est un petit monticule, enfin vraiment une pointe au-dessus de la montagne où on dirait vraiment une dent, on dirait une molaire. Et là, elle est dans le brouillard. Donc maintenant, on monte en altitude et donc on va rentrer dans la forêt. Une forêt pas assez entretenue à mon goût. Parce que je trouve qu'en France, les forêts ne sont pas entretenues par rapport à la Suisse, par exemple. Quand on va dans une forêt suisse, on sent qu'il y a du boucheronnage, que les coupes sont faites de façon scientifique, enfin organisée. Et puis tout est nettoyé en dessous, alors que nous, on a des ronces. Les gros arbres sont envahis par les petits, par des ronces, par des lierres. Il y a des chemins, hein, chemins. Bon, c'est pas très dangereux, mis à part qu'il faut faire attention, il y a toujours une ou deux petites barres rocheuses, donc il faut les connaître. Mais on peut monter jusqu'au sommet facilement avec pas mal de chemins qui sont ou raides, ce qu'on aime bien, ou alors un peu enlacés. Là, il y a énormément de traces de sangliers, évidemment, des traces de chevreuils. Après la neige, c'est très sympa parce que quand on monte dans la neige, on voit toutes les pattes. Là, on monte en direction du col de Vence. Et on va en direction du Sapet, donc on rentre dans la Chartreuse, on rentre dans le parc régional de la Chartreuse. En fait, on fait du VTT dans des temps comme aujourd'hui. Ah ouais. Pas aujourd'hui, pas vraiment, mais un peu mieux quand même. Mais c'est souvent l'automne, l'hiver, donc des fois on redescend les champs qui sont enneigés. Ah ouais. C'est amusant. Le visage de Jeannie Longo est un paysage mouvant. Là, on arrive à la Frette. Oui, alors en dessous, on a le village de Quai en Chartreuse. Nez droit, volontaire, un pic, regard tendre et rieur, soudain sombre, une peau burinée, sillonnée de petites routes, de petites rigoles, de montées, de courbes, de descentes. Un visage paysage à la lumière d'un sourire fragile qui ne dure jamais longtemps. Une inquiétude, une méfiance peut-être devant un danger qui pourrait surgir. En fait, là, on contourne le mont Rachet, ouais. Qui est au-dessus de Grenoble, au-dessus de la Bastille. Ah, donc, au-dessus donc de la Bastille, voilà, et Grenoble en fait. Est sur notre. Okay. Patrice Ciprelli, son compagnon, son ami, son coach, son mentor, son mari. À plusieurs reprises, elle l'appelle pour lui demander de venir. Allô ? Allô ? Oh. Oui, Patrice, allô, tu nous rejoins? Tu nous rejoins? Ou t'as pas envie? Vie intime et compétition sont liées, imbriquées. Impossible de séparer Jeannie Longo de Ciprelli. Bah viens manger avec nous. Non, t'as pas envie? Allez, t'as le... Qu'est-ce qu'il fait alors? Il vient? Merci. Il n'est pas motivé. Il me dit, je vais pas monter où ça paie. On verra bien. Et il viendra. Discret, à l'écoute, présent, mais muet. Si on voit qu'il se met à neiger comme ça, on s'en va vite. Là, on arrive au village du Sapet. Alors, c'est la première station de ski, la station la plus proche de Grenoble. Et donc, tout compte fait, après vos études, vous êtes restée ici. Voilà. Ouais. C'est là que vous avez rencontré votre mari. Oui. Alors, normalement, le café de la place, là, oui, il y a une lumière. Il y a des lumières, oui. Le parce que celui-là, l'auberge, elle est fermée. L'auberge du Sapin, c'est lundi. Le café de la place. Il y a des crêpes. Pâtisserie maison. Vous passez. Allez-y. Je vous ouvre la porte. Non, c'est bon. Bonjour. Ça n'est pas la peine de prendre chaud sous ton maillot. Bonjour. Merci. Comme Jeannie Longo. Il y a que ton mari qui arrive. Il va arriver. Qui n'étonne que les sauts. Qui aime bien le vélo. Sauts. Jeannie Longo. Oh, oh. Même si tu peines, je t'aime quand même. Sans ton maillot. Même si tu peines, je t'aime quand même. Sans ton maillot. J'aimais bien monter là pour acheter mon pain. Je montais acheter le gros pain de campagne là. Il y avait une boulangerie qui était sympa, qui n'existe plus. Ouais. Ça faisait mon petit objectif. Quand il faisait un temps vraiment mauvais, je disais, je monte au Sapin. Oui, j'ai cru comprendre que vous aviez besoin d'objectifs. Non, mais c'est quand il fait très mauvais, pour sortir de chez soi, où il vaut mieux. Sinon, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose. Je suis pas sûre que j'ai eu tout de suite le goût de la compétition. Par contre, quoique, finalement, j'en sais rien, je sais pas. Je saurais pas dire si c'est la compétition ou si c'est le fait d'aimer être... Être la première, être devant, c'est pas forcément la même chose. Hein. Et de faire les choses bien. Parce qu'à l'école, déjà, j'avais des prix d'excellence. Ma mère était institutrice. Et dès les plus petites classes, quand j'avais prix d'excellence, prix d'honneur, vous savez, des trucs comme ça. Quoi. J'étais quand même appliquée. Bon, après, ça a bien changé. Mais donc, c'était pas... Est-ce que c'était la compétition avec les petits copains à côté? Je sais pas, peut-être, je sais rien. L'idée de gagner, en fait, au départ, c'est d'être, puisque vous me dites d'être la première. Ouais, c'est peut-être l'idée de gagner. C'est un peu différent de l'esprit de compétition où il faut battre l'autre. C'est peut-être, ouais, finalement, c'est pas la même chose. Est-ce que dans votre, il y a aussi quand même le fait de, quand on est la première, c'est parce qu'on fait quand même au mieux. On fait quelque chose de fort, quoi. De bon, c'est quand même le sommet. C'est, donc j'ai toujours dit que j'acceptais d'être derrière si je me sentais pas capable d'être première, si c'était pas mon domaine ou si je pouvais pas l'être parce que j'avais pas les capacités dans quelque chose, je l'accepte. Par contre, si il me semble que c'est ça que j'aime bien, c'est pouvoir exploiter au mieux ce que je suis capable de faire. Ma mère, qui était prof de gym, institutrice, elle avait déjà le souci de la perfection. Elle était quand même très, très assez autoritaire au niveau de l'éducation. Hein. Elle exigeait beaucoup. Et je pense qu'elle avait l'esprit de compétition. Ça, c'est sûr. Je pense qu'elle était contente quand ses filles, on était trois filles, hein, quand ses filles étaient devant. Mon père n'était pas du tout pareil. Mon père aimait beaucoup plus... toucher aux choses, faire beaucoup de sport, nous initier à pas mal de choses, mais sans vraiment exiger de nous. Bon, je pense qu'il était fier de nos résultats, bien sûr. Et puis après, par la suite, dans ma carrière, il a été très fier de ma carrière, mais c'est pas lui qui était là à nous dire « faut que tu gagnes ». Et ça passait par le plaisir du jeu ou par autre chose? Oh, ben, en étant jeune, c'est surtout le plaisir, oui. Oui. Enfin, ça dépend tout. Si c'était dans le sport, vous dites? Parce que à ski, je peux dire que j'ai pas toujours pris du plaisir, parce que quand il fait froid, quand ça marche pas, puis des fois j'avais peur. Je suis quelqu'un assez craintif, assez craintive. Et ben j'ai choisi deux sports où on se fait mal en fait, hein, donc le ski et le vélo. Et des fois à ski, j'avais un peu peur quand même, hein, au sommet d'une pente. Donc c'était pas forcément du plaisir. Comment vous avez ressenti le passage entre le côté amateur et professionnel? Bon, alors déjà, je n'ai jamais été professionnelle. J'ai toujours été dans amateur. Je n'ai jamais fait partie d'un groupe sportif, en fait. Donc, avec une licence professionnelle, j'ai toujours une licence amateur, première catégorie. C'est pour le vélo. Bon, à ski, j'ai été à haut niveau universitaire, donc en équipe de France universitaire, mais c'est surtout pas professionnel. Donc, je n'ai jamais fait de ski pour gagner ma vie. Et à vélo, à la base, j'étais amateur et je me suis toujours considérée comme quelqu'un d'amateur, on peut dire. Par contre, j'ai commencé à vraiment bifurquer sur une, une stratégie, enfin un professionnalisme dans ma façon d'aborder le sport à cause d'un objectif, c'est-à-dire les Jeux Olympiques ou le Tour de France. Enfin, quand j'ai eu des objectifs qui vraiment en valaient la peine. Et puis aussi, c'est quand j'ai eu fini mes études, je crois. Tant que j'étais dans les études, je disais, bah, je concilie un peu tout. Alors, après, le fait d'avoir fini mes études, ça me laissait beaucoup plus de temps. Et là, je me suis quand même vraiment consacrée à mon sport. Je lisais beaucoup à cette époque-là. Mais ouais, j'avais cité du Nietzsche en philo, ça m'avait valu une bonne note. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui m'a... Bon, je ne dirais pas inspiré, non, mais ça fait partie de cette exigence, cette soif de bien faire, peut-être, dans ce que je fais. Donc, je me suis lancée dans le vélo de compétition, disons, après 20 ans. Le vélo, surtout en France, on était au... On peut dire un béaba, mais je dirais un retour en arrière. Était un retour en arrière, parce que pour avoir discuté avec des femmes qui auraient maintenant 100 ans, le vélo féminin était presque plus évolué à leur époque que moi quand j'ai commencé le vélo. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient des 6 jours, elles avaient des critériums, elles avaient différentes courses que nous n'avions pas quand moi j'ai commencé le vélo en 1979. Et comment vous expliquez ça ? Ça n'a pas... Parce que justement, c'est un sport qui est... je pense que le monde professionnel, le masculin, avait pris le pouvoir avec le Tour de France, la société du Tour. Et que d'ailleurs, ils ont vu avec un très mauvais œil notre arrivée dans le cyclisme, l'arrivée des femmes dans le milieu du cyclisme. Pourquoi ? Parce que le Tour de France a été créé en 1984 pour les femmes, l'ouverture du Tour de France. Et puis les Jeux Olympiques aussi. Et donc, on a commencé à parler de nous et on a commencé à avoir des courses par étapes, etc. Mais quand j'ai commencé le vélo, il y avait quand même déjà un cyclisme américain. Parce que ce pays, enfin les États-Unis, étaient déjà plus évolués que nous en matière de respect de la femme. Vous avez apporté énormément dans le cyclisme féminin ? Oui, mon arrivée dans le cyclisme, justement, qui n'était rien... Le Tour de France, plus les Jeux Olympiques, etc. Et le fait que j'ai pu briller dans ces courses, quoi, qu'on m'ait vu, en effet, ça fait monter le cyclisme féminin en France. Ça a donné beaucoup d'envie à des petits organisateurs qui ont créé beaucoup de... Il y avait beaucoup de courses par étapes dans les années 80, justement, en France. Des petites courses par étapes de 3, 5, 5 jours, une semaine, 10 jours... Et en fait, ils me voulaient tous, tout le temps au départ. C'était assez compliqué parce que je cours du mois de février jusqu'à fin octobre, les 6 jours. Et parce que j'amenais du monde, c'est toujours pareil, ma popularité, mes résultats amenaient du monde, amenaient des sponsors. Et ça a encouragé pas mal de petits organisateurs, qui aussi certains qui organisaient des courses amateurs messieurs, comme le Tour de l'Aude par exemple, et qui se sont dit tiens, on va faire un Tour de l'Aude féminin. D'une dizaine de jours. C'était un gros tour qui n'existe plus maintenant. Comment se passait un Tour de France ? C'était le même Tour de France qu'avec les hommes ou bien c'était séparé ? Comment ça se passe ? Alors oui, c'était séparé parce qu'il y avait un peloton féminin et un peloton masculin. Mais nous avions les mêmes étapes, c'est-à-dire toutes les fins d'étape des messieurs étaient les mêmes. Mais comme on ne faisait pas 200 km, nos étapes faisaient à peu près 80 à 120 en gros, km. Donc nous avions des villes-étapes de départ qui étaient différentes. Et les villes arrivées étaient les mêmes. Et donc après, d'année en année, les gens se sont habitués au peloton et ils connaissaient les premières, les deuxièmes, et ils savaient quel enjeu il y avait. Et puis j'étais en maillot jaune, alors donc forcément, c'était l'euphorie d'un Bernard Hinault et d'une Jeannie Longo. Et pourquoi ça s'est terminé, ce Tour ? Parce qu'on faisait sûrement de l'ombre, on avait trop d'ampleur, je pense. Ça marchait trop bien, c'est pour ça. Voilà, tout est dit, attraction, spectacle, au terme des deux premières étapes, tout juste si on n'entend pas aussi parler d'interlude. Bref, les 36 filles de cette nouvelle épreuve ont très nettement l'impression de servir d'apéritif au public affamé qui leur crie « Allez, Fignon !» ou bien de court-métrage avant la pub, celle de la caravane qui les talonne, et surtout avant la super-production où excellent les professionnels masculins. Résultat, les déçus du cyclisme ne pardonnent pas leur gageure à ces effrontés. Ça a démarré très dur. Comment ça, dur ? On a eu le temps d'entendre ce qui se passait sur les trottoirs. C'était... C'est des femmes. C'était Annie. On a eu droit à certains crachats, à certains lancers de pierre. On a eu droit à dire « Oh, c'est des femmes malheureuses. Qu'est-ce qu'elles foutent là-dessus ?» Ces réactions-là, elles peuvent s'expliquer par le fait qu'à la base, déjà, on n'est pas gâté. Liliane Mauclair, manager du Tour féminin. Le Tour, en général, a un esprit misogyne. Je suis contre le Tour féminin. Autrefois, le moindre jupon sur le Tour faisait frémir tous ces messieurs. Mais non pas frémir dans le sens d'admiration, mais vraiment de hargne, disant « Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ?» Je suis contre le Tour féminin. Ça les dérange. Ils ne sont plus en trône. Le voilà, le scandale. C'est contre. Faire la femme rester ouvrée et pas l'avoir sur le vélo, ça doit être ça. Ils n'ont pas encore compris que les femmes peuvent faire autre chose que le ménage. Alors, allons-nous réfugier dans le giron de celui qui reste circonspect, diplomate, paternaliste même, et surtout talentueux démiurge de la planète Tour de France. J'ai nommé Félix Lévitant. C'était tout à fait le dernier baston où régnaient les hommes, et désormais on partage au contraire, si vous voulez, les faveurs de cette merveilleuse expression populaire avec les dames. Et puis ça ira, finalement, l'enthousiasme des populations ira grandissant pour cette demoiselle. Eh bien oui, Félix Lévitant. C'est grâce à ce monsieur, ce grand monsieur, qu'on a pu avoir le Tour de France. Et comme ça que c'est lui qui était directeur du Tour de France et qui a dit, moi, mon tour, je vais l'ouvrir aux femmes. C'est parce que le tour, en fait, était un petit peu... vous savez, c'est comme un produit qu'on met sur le marché. Donc, il était... pas en stagnation, mais... On avait besoin de quelque chose. Voilà. Mmh. Et donc, il s'est dit, je vais l'ouvrir aux femmes. Et voilà. Et c'est comme ça que le cyclisme féminin a évolué en France. Et par rapport à ce qu'on entend, est-ce que vous pensez que les choses ont évolué ? Moi, je dis que c'est anecdotique, parce que les gens sont vraiment vite habitués aux femmes et se sont vraiment pris au jeu et nous ont encouragés. Hein, ils nous attendaient, ils nous encourageaient. Pour parler donc du corps, comment supporter une douleur ? La douleur, en fait, elle s'apprend parce que justement, quand on est jeune, je pense qu'on ne sait pas tellement utiliser ses capacités au maximum. Alors après, avec l'entraînement, avec le moral aussi, parce que quand on commence à gagner, eh bien, on a envie de monter, d'aller plus haut. Et donc c'est là que je pense que quand on est vraiment en plein effort, quand on est jeune et talentueux, enfin quand on est dans la compétition, on n'y pense pas trop. C'est après, quand j'ai pris de l'âge, j'y pensais beaucoup plus, parce que je savais que ça allait faire mal, donc ça c'est différent. Mais au début, c'est plutôt un apprentissage qui est normal, quoi. C'est les entraînements qui sont plus difficiles. Les entraînements, il faut vraiment avoir une grosse motivation pour se faire mal, parce que c'est là qu'on évolue. Donc ça a été ma force, c'est de pouvoir travailler, enfin m'entraîner de façon très qualitative pour dépasser des niveaux. Et je pense que ça a été ma force, parce que j'étais capable de me faire très mal à l'entraînement. Et en course, il faut rester très concentré, parce qu'il y a toujours le danger, de toute façon, d'accrocher une roue, de faire quelque chose, il y a toujours des manœuvres. Un peloton, ça bouge tout le temps, donc c'est dangereux. Et puis, il y a le côté tactique aussi, il ne faut pas vous faire piéger, il ne faut pas qu'il y ait une adversaire qui parte. Donc tactiquement, c'est très fin. Enfin, je parle de tout ça, c'est à mon air, à moi, c'est-à-dire dans le passé. Donc il n'y avait pas d'oreillettes. Il n'y avait pas d'instrument sur le guidon pour vous dire votre puissance, les vitesses du vélo, etc. Il n'y avait pas des ordinateurs de bord. Donc il fallait quand même se servir de son cerveau à l'époque, ce qui était pas mal. La personnalité du cycliste ne s'exprime plus. Et moi, je connais des tas de professionnels, des tas de jeunes qui sont perdus s'ils n'ont pas leur petit instrument parce qu'ils ne sont plus capables de savoir à quelle vitesse ils vont pédaler et s'ils vont trop fort ou s'ils traînent. Mais vous avez couru aussi avec des oreillettes. Oui, je l'ai eu. Ça m'était essentiellement utile pour les contre-la-montre. Parce que donc mon mari, dans les oreillettes, il parlait pas trop de mon allure. C'était surtout par rapport à la configuration, au profil de la course. Parce que bon, on reconnaît un contre-la-montre, mais des fois ils sont un peu tortueux, tordus. Et c'est toujours utile, comme c'était un skieur de haut niveau... Au niveau des courbes et tout ça, enfin tout ce qui était technique, je l'avais dans l'oreillette, c'est bien quoi. C'est un peu un copilote de voiture. Alors votre mari est votre entraîneur ? Oui, mais enfin c'était pas son métier, il était entraîneur bénévole. Il m'a très de nombreuses fois laissé le plan d'entraînement sur la table en partant, parce qu'il était donc entraîneur de ski. Hein, ouais. Et j'ai été très souvent toute seule dans les entraînements, et parfois dans les courses aussi, puisqu'il n'était pas toujours là. Et donc, vous aviez la voix de votre mari dans l'oreillette. Oui, mais en fait, il y a un petit côté affectif, c'est sûr. Donc, un encouragement qui, par moments, il y a une sensibilité, ça, c'est sûr. Et puis, d'autres moments aussi, on réagit des fois en disant « qu'est-ce qui m'énerve ?» Parce que quand il me dit, par exemple, il m'a poussé parce qu'il sentait que peut-être que je pouvais aller plus loin. Et moi, je savais très bien que j'étais, comme on dit, un peu dans la zone rouge. Et des fois, j'ai eu envie d'arracher l'oreillette en disant « Mais pourquoi il est là ?» Enfin, qu'il arrête de me pousser, j'en peux plus, quoi. C'est une histoire de couple, alors ? Je pense, oui. Ah oui, oui. J'aurais fait peut-être autre chose, hein, mais pas comme ça. Et j'aurais pas fait de vélo de compétition, ça, c'est sûr. Enfin, j'ai vu les années passer sans vraiment les voir passer, quoi. J'ai pas tellement contrôlé la chose. C'est vrai que je voulais absolument pas faire une longue carrière. Finalement, elle s'est prolongée. Et ma longévité, je pense que c'est parce que on a parlé de difficultés de l'entraînement et tout, mais malgré tout, j'ai toujours pris du plaisir à avoir des objectifs différents, si on veut reparler d'objectifs. Et aller un coup aux États-Unis, un autre coup en Australie, un coup une année un record de l'heure, une autre année gagner le Tour de France. Enfin, je veux dire, c'est plaisant de voyager, puis le fait d'être aussi un peu à part, quoi, pas être prise en charge justement totalement, pas être un pion qu'on promène d'une course par étape à l'autre, parce que j'ai quand même tout assuré, tout géré, tout organisé, ça a quand même, je pense, participé à ma longévité. La dernière course que vous avez faite, c'était Ce sont les petits rendez-vous d'automne. Là, c'est pareil, pour finir la saison, c'est des contre-la-montre qui durent quoi ? Ça dure entre 25 et 40 minutes. Donc déjà, s'il fait froid, c'est agréable parce qu'on n'a pas froid trop longtemps. Et puis, c'est des efforts très intenses, c'est des contre-la-montre. Donc voilà, le dernier, j'ai roulé à 50 km/h, mais derrière un garçon, derrière un monsieur, un jeune, qui a quand même participé au championnat suisse du contre-la-montre. Enfin, c'est une petite moto, quoi, mais c'est agréable, quoi, de rouler à plus de 50 à l'heure. Et comment on fait pour se détacher d'une telle passion et d'une telle carrière ? Petit à petit, j'en fais beaucoup moins. Hein, j'en fais beaucoup moins. J'ai plus du tout envie de faire une course par étape. Les courses sur route, j'en fais encore moins. J'en fais moins aussi parce que j'ai pas envie de tomber. Comme on dit, il y a toujours ces risques d'accrocher, de s'accrocher, de tomber, d'être prise dans une chute. Comme j'ai été là en juin, je suis tombée. Donc là, ça ne m'amuse plus du tout de tomber. Ça ne m'a jamais amusée, mais quand il faut panser les plaies et tout, puis avoir mal partout, c'est pas drôle du tout. Et puis c'est vrai que l'envie diminue, mais j'aime toujours prendre l'air, j'aime faire du sport. Donc c'est un entretien que je fais plus. Puis avec, je vous dis, ouais, peut-être un objectif par an pour... Pour se dire que je monte sur le vélo, je tire encore sur mon organisme pour quelque chose. J'attends plus grand chose en fait, mis à part, je suis bien avec la nature, je suis bien en contact avec les animaux dehors, je me ramollis un peu. J'avais lu une phrase de vous qui disait « Je ne pourrais jamais vivre sans paysage ». C'est vrai. Je suis un peu une pile solaire, donc déjà, quand le matin, je vois qu'il fait soleil, déjà, je vois du ciel bleu, je suis contente. Je peux tous les jours regarder une montagne ou un arbre ou un oiseau ou une fleur. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Oui, peut-être. Ouais, j'aurais aimé être... C'est bien, finalement, j'aurais aimé être bonze. Bonze au Népal, au Tibet. Et quand il fait chaud. L'été. C'était Janie Longo, La vie devant elle, une histoire particulière, un documentaire de France Jolie réalisé par Thomas Beau. Prise de son Frédéric Kérou, Guillaume Bonfils, Alexandre Abergel. Archivina Marine Decamp et mixage Manuel Couturier. Merci à Janie Longo. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain. Pour une des affaires les plus mystérieuses de ces dernières décennies. Mais c'est une autre histoire.